ton amour. Mon cœur demeure en ton amour. Mon cœur demeure en ton amour. Roxy qui l'aime, oh, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, Roxy qui l'aime, oh, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Amen. Jésus est frappé sur le calvaire pour qui? Pour qui? Pour moi. Christ notre Seigneur a été frappé sur la croix pour qui? Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roxy qui l'aime, oh, frappé pour moi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger. Et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Séculaire, oh, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, oh, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roxy qui l'aime, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roxy qui l'aime, frappé pour moi Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Ô purifie, lave Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien. Ta croix sanglante est mon seul bien. Ta croix sanglante est mon seul bien. Ta croix sanglante est mon seul bien. Roc séculaire, oh, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants du fait que tu aies donné ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, mourir à la croix pour nos péchés. Nous te sommes infiniment reconnaissants, mon Dieu, mon Roi, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour l'œuvre du salut. Merci pour l'œuvre de la rédemption. Merci pour nos péchés que dont tu nous as pardonné à la croix. Merci pour avoir payé ce prix-là, autant marqué pour nous. Merci parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, autant marqué est mort pour nos péchés. Merci pour les iniquités dont tu as expié. Merci pour le prix de la rédemption dont tu as payé. Nous te sommes infiniment reconnaissants, mon Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous nous remettons tout simplement et absolument au prix du sacrifice que tu as donné à la croix. Seigneur, nous t'aimons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Je te dis merci pour mes frères et sœurs ici, pour tous ceux qui sont encore en route pour arriver en ce lieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour nos vies, Seigneur, parce que très souvent nous sommes infidèles, mais toi, tu demeures fidèle. Père, quand nous ne méritons même pas de tes grâces et de tes bénédictions, de tes faveurs, tu les fais pour nous à cause de ton nom glorieux, de ton nom magnifique dans nos vies. Que ton nom seul soit élevé. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être élevé. C'est un merveilleux nom, c'est un nom glorieux que tu nous as donné. C'est autour de ce nom Père et à cause de ce nom seul et au travers de ce nom seulement que nous pouvons nous approcher de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants, donc Seigneur, pour cela. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as planifié pour ce lieu, pour ce moment. Merci parce que tu déverses tes bénédictions en ce lieu. Merci parce que tu les fais couler comme l'huile d'onction qui coule sur la barbe d'Aaron. Merci Père parce que tes grâces sont dans nos vies. Merci parce que c'est déjà une grâce Père que de se réunir et partager en ton nom. Merci pour ce privilège. Merci pour ce privilège Père que tu nous donnes de t'adorer. Alléluia. Au nom tout puissant, magnifique, glorieux de notre Seigneur Sauveur jusqu'à nous avons prié. Amen. J'ai soif de t'adorer, oh Jésus, t'adorer. J'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer, j'ai soif de t'adorer, alléluia, t'adorer, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer le privilège que tu as. Sa présence et que son saint, ses saints anges se trouvent en notre milieu maintenant pour adorer et célébrer avec nous. Alors que sa gloire se trouve en ce lieu maintenant, esprit d'adoration avec tes propres mots. Parle au Seigneur glorieux, au Seigneur magnifique, au Seigneur élevé, le seul qui est élevé au-dessus des cieux dont la majesté n'a pas de nom, n'a pas de comparaison. Parle-lui avec tes propres mots, adore-le, dis-lui combien il est grand, il est magnifique. Seigneur, tu es élevé, toi seul tu es grand. Dans ma vie, Père, je te contemple. Je vois ta magnificence tous les jours. Je vois, ô Dieu de gloire, ta main puissante dans ma vie. Je vois tes grâces, tes faveurs dans ma vie, Père, qui d'autre peut l'exercer dans ma vie. Tu es seul élevé. Tu es digne d'être adoré, digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré, célébré, magnifié dans nos vies. Seigneur, voilà pourquoi nous t'adorons, nous te célébrons, nous disons que tu es notre grand Dieu, notre Sauveur, celui qui nous a rachetés par la croix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour nos cœurs que tu sanctifies. Merci pour nos iniquités que tu pardonnes. Merci pour nos vies que tu sanctifies par ton esprit maintenant. Merci pour nos vies que tu restaures. Merci pour nos pensées iniques, pour les regards iniques, les propos iniques, les pensées uniques dans nos cœurs, en fait dans nos cœurs, les mauvaises intentions, Père, que tu purifies et pardonnes. Merci pour toutes ces choses. Merci parce que tu nous as rachetés de la même puissance, Père de gloire, par le Seigneur Jésus-Christ. Et tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, de ton amour, dans ce royaume de lumière où Jésus-Christ seul est majesté. Merci Père pour toutes ces choses. Père, qu'avons-nous mérité pour avoir cela? Toi seul, dans ton amour, tu nous as choisis et élus avant la fondation du monde afin que nous te célébrons et que nous louons, ô Dieu de gloire, ton Saint-Nom. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé. Que ton nom soit à jamais glorifié. Donne-nous, Père, de comprendre ce mystère de ton amour pour nous. Et dit marcher dit demeurer ferme, Père. Pardonne, ô Dieu, pour nos manquements, nos faiblesses et toute partie de notre cœur, ô Dieu, qui n'était pas incliné à toi, incline ce soir, d'être incliné chacun de partie de nos vies, ô Dieu, pour qui n'était pas soumise. Que chacun soit ici fortifié dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ta présence, afin que, ô Dieu, même au sortir d'ici, que nous ne quittons pas ta présence et que nous ne quittons pas nos regards, ô Dieu, de gloire, hors de toi. Donne, ô Dieu, de gloire, d'être tes serviteurs fidèles et avertis. Donne, ô Dieu, de gloire, d'être, ô Dieu, de gloire, dans la sainteté irrépréhensible. Donne, ô Dieu, de gloire, de marcher maintenant la tête haute à partir de ce soir encore. Pour marcher, ô Dieu, de gloire, en suivant les voies droites. Père, que les pieds qui étaient tortus, Seigneur, se redressent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et que nous marchions droitement devant de toi. Que toutes les portes qui étaient fermées devant nous, Seigneur, s'ouvrent et que tout le ciel qui était bloqué comme le ciel des reins, Père de gloire, soit brisé afin que pleuve tes bénédictions sur nos vies au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette proclamation. Merci pour cette voix qui sonne dans les cieux. Merci pour cette voix qui tourne dans les cieux, Père, pour disperser maintenant nos ennemis dans nos vies, devant nous, derrière nous et tous ceux qui nous attaquent. Merci Père pour tes anges qui sont présents dans ce lieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce glorieux, ce magnifique privilège que tu nous donnes de t'invoquer Père. Merci ô Dieu de gloire de sanctifier nos lèvres, de purifier nos paroles afin que nous te sanctifions, nous te louons avec des lèvres pures. Donne-nous ô Dieu de gloire de t'aimer, donne-nous ô Dieu de gloire ton amour, donne-nous de te servir au nom tout puissant, merveilleux, magnifique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom se soit élevé, que ton nom se soit glorifié, que ton nom se soit sanctifié dans nos vies, dès maintenant et à jamais, dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous allons lire quelques passages de la Bible maintenant. Nous allons lire la Bible. D'accord? Nous allons. J'ai pas compris. Nous allons lire la Bible. Voilà. Mes enfants, vous asseyez, vous ne dérangez pas le corps. Nous allons lire la Bible. Puisse le Seigneur donc ajouter des bénédictions à la lecture de cette parole aussi. Très souvent, nous ne comprenons pas les voies du Seigneur jusque dans nos vies. Très souvent, nous ne comprenons pas les voies du Seigneur jusque dans nos vies. Et par conséquent, certaines choses nous arrivent, on ne comprend pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ est à l'œuvre dans nos vies. Il est à l'œuvre. Et plus glorieux encore, il est assez puissant. La Bible déclare qu'il tourne du ciel, disperse nos ennemis. Tu mets sur de ses narines et parcourt comme le vent et disperse nos ennemis. Et la Bible va même plus loin en disant que je m'écris seulement. Loué soit Jésus et je suis délivré de mes ennemis. Donc son nom est puissant. Son nom est puissant. Son nom est puissant. Son nom est puissant. Alléluia. Son nom est puissant. Luc chapitre 4. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ta présence. Oublie-nous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient multipliées dans nos vies, si chacun pour sa part. Amen. Nous allons lire Luc chapitre 4. Je vais lire et puis on va prendre quelques enseignements, quelques petits points. Non, non, Félix, ne viens pas déranger là. Viens t'asseoir là, petite fille. Non, tu viens t'asseoir ici. Combien? Moi, c'est petit fils à tout le monde. Une personne t'assoit là. À côté de Madame Chris Victoire. Chris. Victoire. Chris. Victoire. Voilà. Voilà. Luc chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 1 et on va prendre quelques enseignements là-bas. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. En un instant, le diable donne des visions. En un instant, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Il montre les royaumes de la terre, dit tout, il lui donne toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Amen. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Je savais qu'on pourrait prendre un autre sujet là-bas. Ce n'est pas la direction là-bas. Avançons ici. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Vous avez vu ça? Revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa renommée se répandit. Alléluia. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen, amen, amen. Puisque le Seigneur veut vraiment nous donner maintenant ce soir de prendre quelque chose et d'en manger. Puisqu'il nous donnait maintenant d'en manger ici et là maintenant. Amen. Amen. Puisque le Seigneur Jésus-Christ nous donner de la nourriture maintenant dans sa parole. Donc nous allons nous borner dans les portions 17 jusqu'à 19, là, le début du 19. Donc le 17 encore. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Il a cherché dans le livre, il a ouvert le livre, ouvert. Il a ouvert jusqu'à ce qu'il ait trouvé l'endroit où il était écrit, ce qui est censé se passer là maintenant. La Bible déclare, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'on a dit au préalable qu'il est rentré, revêtu de la puissance de l'Esprit. Amen. Il fallait qu'il attende que cet Esprit-là soit sur lui pour qu'il avance avec cela. Ah. Il dit, parce qu'il m'a oint pour. Écoutez très attentivement. Pourquoi il a été oint? 5 choses ou 6 sont citées là-bas. Il dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. 1. Vous avez vu ça? Donc, il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Par la suite, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà la deuxième chose. Et à maintenant, à chacune de ces choses, dont nous allons aller dans la Bible, voir comment il a annoncé la bonne nouvelle. On va voir le cas 1. Quelques exemples, parce que c'est plein. On va voir le cas 1, le cas 2 jusqu'au cas 6. Écoutons très attentivement. Donc, 1. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il dit une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle qu'il vient annoncer aux pauvres? Alléluia. Maintenant, vous dormez ou quoi? Amen. Donc, nous avons une chose. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il faut que nous voyons dans la Bible un exemple de quelqu'un qui avait le cœur brisé, dont il est venu restaurer. Amen. Troisième chose. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Voilà les choses pour lesquelles il est venu. Voilà les choses pour lesquelles il est venu. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Il faut qu'on voit un exemple dans la Bible, au moins un exemple. Si on voit s'étendre sur ces 6 choses-là, on n'en finira pas. Donc le premier seulement, une bonne nouvelle aux pauvres. On pourra détailler ça dans plusieurs enseignements. Troisième chose, on dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Vous avez vu? Le recouvrement de la vue. Pour l'autre, là, vous êtes sûr, vous voyez effectivement cela dans la Bible partout où il recouvre les gens de la vue. Les gens voient. Pas vrai? Nous allons voir dans quelques cas. Pour renvoyer libre les opprimés. Qui sont ceux qu'on appelle opprimés? Il dit pour les renvoyer libres. Donc, c'est quelqu'un qui est Jésus est venu pour leur dire, rentrez, vous êtes libres. Alléluia. Ça, c'est le cinquième point. Par la suite, il dit, verset 6, verset 19, le sixième point, pour publier. Quand on dit publier, ça veut dire qu'on publie au journal par officiel, par exemple, on dit que le décret du chef de l'État dit que c'est à compter d'aujourd'hui, on ne paye plus l'essence à tel, il a publié. Amen. Publier, donc annoncer. Pour publier. Annoncer une année des grâces du Seigneur. Pour dire que, désormais, voici une année des grâces. Année, ça veut dire, c'est pas un an. C'est une période. Une période. Donc, depuis jusqu'à venir, nous sommes dans cette période-là, dans cette année. Amen. Par la suite, il dit, ensuite, il roula le livre et puis il s'assit. Donc, nous allons voir dans ces six points fondamentaux dans la mission du Seigneur Jésus-Christ, parce que ça nous concerne maintenant pleinement ici. Parce que s'il est vivant et que nous comprenons que nous sommes dans l'année de la grâce, alors la puissance de Dieu est toujours disponible maintenant pour délivrer. Nous sommes d'accord? Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Je n'entends rien. Nous sommes d'accord? Amen. Les femmes, nous sommes d'accord? Amen. Je n'entends pas de voix là. Nous sommes d'accord? Amen. Voilà. Donc, on y va. Prenons Jacques au chapitre. Ou bien prenons toujours Luc là au chapitre 6, verset 20. Luc chapitre 6. Je vous ai dit, on va aller point par point. Donc, quand il dit le premier verset, nous sommes devant le premier point. On est d'accord, n'est-ce pas, mes chers amis? Voilà. Luc chapitre 6, verset 20. Souvenez-vous, le premier volet était parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On veut voir dans quelle bonne nouvelle dont il veut annoncer aux pauvres. Il dit, premier cas, lisons Luc chapitre 6, verset 20. Luc chapitre 6, verset 20, vous y êtes? Mm-hmm. Luc chapitre 6, verset 20. Si le frère Fichier était là, il devait nous lire ça dans un moment. Je suis déjà là. Oui. Alors, le Seigneur Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Amen. Donc vous voyez effectivement directement ici dans ce verset, il dit clairement que vous les pauvres là, le royaume de Dieu est à vous. N'est-ce pas une chose merveilleuse que de savoir que Dieu te dit que ça c'est à toi? Amen. Donc il dit qu'il est venu pour publier une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est cette bonne nouvelle? Que le royaume de Dieu est à vous. Amen. Amen. Lisons encore cela parce qu'il dit chaque cas, nous avons vu qu'il y a six choses pour lesquelles on a cité dans Luc chapitre 7, chapitre 4, verset 17 là, que le Seigneur Jésus est venu faire. Publier une année, quoi. Une bonne nouvelle aux pauvres, renvoyer libre les opprimés, la délivrance aux captifs, renvoyer, publier une année de grâce, n'est-ce pas? De notre Seigneur, nous allons voir cas par cas les exemples. D'accord? Donc, si vous avez noté, vous pouvez noter également à côté de ça dans ce premier cas-là, Luc chapitre 16, verset 19 à 31. On va voir encore ce cas-là avant. Donc, nous avons lu Luc chapitre 6, le verset 20, où il est dit clairement que heureux, à ses disciples, disait ça à ses disciples, heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Allons dans le livre de Jacques. Jacques. The book of James, chapter 2. Jacques, chapitre 2. Alors, Jacques, chapitre 2. Il va lire les versets 1 à 7. Vous avez vraiment, hein? Jacques, fermez ta soie là-bas et aidez les gens à ouvrir la Bible là. Là. Donc, vous avez besoin de prières. Vous allez voir, vous deux là. Tout à l'heure, vous allez voir les conséquences de ce qu'on a mis là. Tout à l'heure, on va reculer cette table-ci et ça risque de chauffer ici. Vous savez, n'est-ce pas? On va prier. On va. Vous allez savoir que la puissance du Seigneur Jésus-Christ est identique. Là, tout à l'heure. Là. Amen. Ok. Donc, Luc chapitre 2. Mes frères. Jacques chapitre 2, verset 1 à 7. Mes frères, que votre foi. Vous y êtes là, hein? Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique. Et qu'il y entre aussi un pauvre, vous avez vu, un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte les habits magnifiques, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi debout là, tu es debout, ou bien, assieds-toi au-dessous de mon manche-pied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Écoutez mes frères bien-aimés, écoutez le verset 5 maintenant, écoutez très attentivement. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Vous avez vu ça? Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est venu, pour donner le royaume. Alléluia. Après la première chose, il est venu, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, une bonne nouvelle aux pauvres. C'est ça que nous sommes venus voir. Donc dans l'exemple, lisons, il continue ici, verset 6, et vous avilissez le pauvre, et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Les pauvres portent un bon nom. Alléluia. Amen. C'est merveilleux tout simplement. Maintenant, Luc chapitre 16, on va parler vite. C'est parce que si on veut prendre comme ça, on ne doit pas. Dans Luc chapitre 16, les versets 19 à 31, nous voyons l'histoire de l'homme riche et de Lazare, le pauvre. Lazare qui était pauvre. Oui, effectivement, là où Lazare est un exemple clair de cette mise en pratique, c'est où Lazare a été amené là-bas. Lazare n'a pas été amené parce qu'il est pauvre, que non. C'est parce que dans son état de pauvreté, en comprenant qu'il est pauvre, il est au moins riche dans un domaine, la foi. Parce que la Bible déclare qu'il a choisi les riches pauvres qui soient riches en la foi. Parce qu'au moins, quand ils n'ont rien, ils ont un endroit sur lequel s'approcher. Que vous entendez effectivement, quand quelqu'un est dans la pauvreté, il chante les cantiques comme ça. Là. Les larmes coulent comme ça. Comme par exemple moi, quand j'étais dans la pauvreté et dans la misère, j'avais un cantique et chantais. Vous savez, je vous ai aidé à montrer cela, je vous suis. Vous souvenez ça, n'est-ce pas? En son temps, Dieu agit. Il chante comme ça, les larmes coulent. Tu regardes là, il n'y a pas de promesses pour 25 qui peuvent sortir quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il, la seule chose qu'il fait comme constatation, c'est en son temps, yeah, Dieu agit en son temps. Les chants, vous savez, pleurent, quelqu'un parle à côté de moi, regarde, vous savez que c'est ce qu'il a fait. Vraiment, j'ai faim. Mais c'est mon espérance d'avant. Même si les problèmes du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon Seigneur. En son temps, oui, ma soeur, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon sauveur. En son temps, oui mon frère, Dieu agit en son temps. Même si les problèmes du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon sauveur. En son temps, oh ma chère, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon sauveur. En son temps, oui ma soeur, Dieu agit en son temps. Ce sont ces cantiques-là qui m'ont gardé durant ma jeunesse. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ et qu'il est en train de te mouler la vie, même si vous avez les rendez-vous avec des gens qui vont te donner de l'argent, quand Dieu a décidé de vous, même si vous signez sur la quête de Satan, le Satan refuse de vous mordre, alors tu n'as qu'une seule consolation. Chanter pour sa gloire. Et c'est le moment ultime pour être vraiment en union avec le Seigneur. Parce que quand on a l'argent, on a la soif pour la multiplier. Qu'est-ce qu'il fait? On n'a pas le temps non pour Dieu. Le cœur est là. travail. 5 heures du matin, on s'est levé pour se laver. On lit un peu la Bible, on cherche la moto pour partir. On rentre à 22 heures, on est fatigué. Pourquoi? Le temps nous a absorbé. Notre cœur, notre trésor est empiré là-bas. Or, quand on n'a rien à faire, quand on n'a rien, on a notre consolation. Alléluia. Amen. L'état du pauvre. Il dit, Dieu n'a-t-il pas choisi? Dieu a choisi. Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde. Donc, aux yeux du monde, le monde est devant Dieu. Il perd son temps. Regarde, moi, il est pauvre. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Il dit, Dieu a choisi. Alléluia. Amen. C'est un privilège. Privilège. Privilège. Et ce qu'on rencontre, les gens disent, waouh, il est intelligent, il est vraiment sage. Et Dieu dit que ça, c'est la folie. Alors, il pouvait rester là comme ça, il change, il pleure. Il dit, qu'est-ce que celui-ci fait? Il a fréquenté, il a des diplômes comme ça, pourquoi il ne travaille pas? Je savais où il m'amenait. Je savais où il m'amenait. Parce que j'avais vu exactement ce qu'il présentait pour moi. Que ce qu'il a destiné pour moi, que je sais que je dois faire. Quelle orientation il allait donner à ma vie. Et c'est ce que les hommes devraient faire, c'est-à-dire choisir, c'est-à-dire de chercher l'orientation de Dieu dans leur vie. Donc si quelqu'un est pauvre, qu'est-ce qu'il doit faire? Chercher Dieu davantage. Le moment où on est pauvre, c'est le moment par excellence pour chercher Dieu. C'est le moment par excellence pour chercher Dieu. Quand quelqu'un est dans la pauvreté, c'est le moment par excellence pour chercher Dieu. Parce que lorsque tu pries pour sortir de ta pauvreté, tu sors de ta pauvreté, tu vas oublier que tu peux encore y retomber. Tu seras là pour te battre, pour ne plus tomber dans la pauvreté, pour ne plus revenir à cet état-là. Ne sachant pas que normalement, tu dois dépendre de quelqu'un qui te maintient à chaque rythme, à chaque étape, qui soit avec toi. Qu'on m'enlève tout comme matériel, mais qu'on ne m'enlève pas Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ces paroles, ces cantiques-ci. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon sauveur. En son temps, oui mon frère, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon sauveur. En son temps, oui ma soeur, tu agis en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon sauveur. Dans ces moments de souffrance, plusieurs questionnements se passent dans nos têtes. Plusieurs questionnements d'oppression. Ce moment par exemple où Satan nous opprime, nous passe dans l'esprit. On se pose très souvent la question, qu'est-ce qu'on va devenir? Quel est mon lendemain? Comment vais-je payer mon contrat de bail? Comment vais-je manger demain? Qu'est-ce que je dois faire avec ma vie? Où est-ce que je suis allé? Qu'est-ce que je suis venu faire? Les gens avec qui je suis né sont bien. Mon grand frère est bien. Ma grande soeur est bien. Cette personne avec qui j'ai fréquenté est bien maintenant. Mais qui suis-je devenu? Souvenez-vous, vous êtes venu seul au monde. Vous avez une seule et unique chose à faire, c'est de trouver ce pourquoi vous êtes là dans le monde. Alléluia. Les murmures commencent. On commence à se persécuter à l'intérieur. Les troubles commencent dans le cœur. Satan commence à nous influencer. Et là, plusieurs personnes choisissent la voie du suicide. Parce qu'ils s'aiment tellement qu'ils ne veulent pas voir leur vie souffrir comme ça. Or, ils oublient qu'une voix douce, est en train de leur parler en disant ceci, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de notre Seigneur, de notre Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il faut que ces pauvres ici, qui cherchent cette personne qui est la parole? Amen. Donc, et la plus grande chose, c'est que durant ce moment, il faut qu'on comprenne le principe du fonctionnement de Dieu qui fonctionne en son temps. Dieu fonctionne en son temps. Dieu agit en son temps. Même même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon sauveur en son temps, en son temps, en son temps. Oh oui, ma soeur, tu agis en son temps, même si les souffrances du monde m'accablent. J'attendrai avec patience la délivrance de mon sauveur en son temps. C'est l'occasion pour moi de rappeler à tous ceux, vous tous qui m'écoutez maintenant et actuellement, que si vous êtes dans un état de manque, dans un état de pauvreté, de persécution à outrance, d'oppression à outrance, ce n'est qu'une école pour l'enseignement. C'est pour nous pousser à marcher droit dans cette voie que Dieu a tracée pour tous ceux-là qu'il a connus d'avance. C'est une voie pour que nous enseignions à d'autres aussi à être fermes dans la foi, à marcher dans la patience, en attendant ce grand Dieu, sa visitation. Alléluia. Donc, il ne faut pas qu'on utilise ce moment-là comme le moment de murmure. Oui, la chair est fermée, elle a dit l'esprit est disposé. Comprenons donc ces principes afin que nous ne murmurions point. Dieu est dans nos vies. Pourquoi il va laisser quelqu'un mourir qui a de l'argent, qui a des possibilités de faire n'importe quoi, mais toi qui n'as point de quoi manger, sur le plan humain, regardez comme rejeté, mais il te maintient debout. Pourquoi? Parce qu'il a un plan. Il a un plan de reste là. Donc, quelle qu'en soit l'oppression que tu as reçue dans le passé, quelle qu'en soit les moqueries que tu reçois dans ta vie, les gens se moquent de toi. Et toi-même, toi, tu te sous-estimes en pensant que tu n'es rien. On ne te reconnaît pas. Tu regardes ton corps, tu regardes ta pensée, tu regardes ta vie, ton futur, ta famille. Il n'y a personne qui peut te sortir de là. Mais Jésus-Christ est puissant. Amen. C'est pour cela qu'il a dit dans ces paroles-là qu'il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous avons une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Que son nom soit à jamais glorifié. Amen. Que ses paroles soient à jamais gravées sur nos cœurs. Amen. Afin que nous ne murmurions plus. Amen. Amen. Nous avons un grand Dieu, un grand sauveur, un grand rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Continuons. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu dans ce premier passage que la Bible déclare que, première chose, il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et nous avons vu ce qu'est la bonne nouvelle. Nous avons vu cela. Prenons un deuxième point. Le deuxième point se trouve toujours dans ce verset de Luc chapitre 4. Souvenez-vous, ne quittez pas Luc, parce que là, on va lire chaque fois avant d'aller dans les autres versets. Dans ce Luc chapitre 4, le verset 17-18 nous dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est le premier point. Nous avons vu ça. Nous avons vu quelle est la bonne nouvelle qu'il annonce aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus nous a envoyé pour guérir quoi? Ceux qui ont le cœur brisé. Nous allons voir dans la Bible ceux qui ont le cœur brisé. Et comment il les restaure. Amen. Amen. Prenons le livre de Marc. Le livre de Marc, c'est celui qui est juste derrière là. Marc au chapitre 5. Matthieu, Marc, Luc. Matthieu, Marc, Luc. Donc, Matthieu, après Marc, au chapitre 5. Ah, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Marc, le chapitre 5. Donc, vous êtes dans Luc. J'ai dit, gardez bien le livre de Luc, chapitre 4, parce qu'on va y revenir chaque fois pour voir les différents points. On a fini le premier point. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est en ces lieux. Son esprit est au milieu de nous. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Lisons à partir du verset 21. Regardez attentivement. Écoutez. Luc chapitre 4 dit: il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Regardons Marc chapitre 5, verset 21 et suivant. Jusqu'au peut-être verset 34. Oui. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Vous avez vu ça? Se jeta à ses pieds. Quand quelqu'un agit comme ça, ça se pose qu'à l'intérieur, il est dépassé. Quand quelqu'un agit comme ça, il est dépassé, il jette sur toi comme ça, il dit que c'est toi mon seul, mon dernier souci, mon dernier espoir. Regardez bien. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens. Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alléluia. Amen. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc, vous voyez ici un homme qui vient se jeter parce qu'il est dépassé. Le cœur est brisé parce que sa fille est en train de se mourir. Elle est en train de se mourir, alitée, en train de se mourir. Mais dans verset 26 dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Une femme qui reste concernée le sang, vous pensez qu'est-ce qu'elle a sur le cœur? Vous pensez que qu'est-ce qu'elle a dans son cœur? Qu'est-ce qu'elle a sur son cœur qui peut lui prendre? Elle a le cœur brisé, dépassé par les événements. Cœur brisé, dépassé par les événements, par la situation qu'elle vit. Le père a été tellement dépassé qu'elle a vu qu'elle s'est jetée au pied. On pourrait regarder en disant, mais comment un père peut se comporter comme ça là? Mais il s'en fout de celui qui allait regarder. Il est forcément venu se jeter parce que c'est son dernier espoir. Le cœur brisé. Amen. Cette autre femme avait dépensé. La Bible dit que là qu'elle avait dépensé, elle avait dépensé tout son argent. Tout son argent. Mais malgré que l'argent est fini, la maladie ne s'est pas restée là. La maladie est allée encore croissant. La chose ne fait que s'empirer. Vous pensez comment elle était de son cœur? La Bible déclare. Ayant entendu parler de Yeshua, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Vous y êtes? Et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc, elle est tellement dépassée qu'elle, sa femme là, c'est que ici, là, c'est seulement pour toucher le Seigneur Jésus qui est suffisant. Vous voyez, Jésus-Christ qui est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc chapitre 7, rentrons dans le livre de Luc. Luc chapitre 7. Notre texte de base, c'est Luc chapitre 7. Notre texte de base, c'est Luc chapitre 4. Voilà, vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Vous voulez qu'on prie aujourd'hui? Vous voulez que ces choses-ci, si ça se trouve quelque part, les six, les sept, cinq premières choses-ci, ça se trouve quelque part, que le Seigneur Jésus-Christ en face de nous-mêmes? Ok. Bon, ce qui est clair, c'est que nous avons compris les deux. Nous avons compris que nous tous nous sommes pauvres. Nous avons compris que la bonne nouvelle pour nous, le 1, c'est accompli. 2. Il dit que le cœur, il est venu pour envoyer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et passer par des événements. Ceux qui sont dépassés par les événements. Allons-y, prenons encore le cas dans Luc chapitre 7. Lisons le verset 11 à 16. Vous y êtes. Verset 11 à 16. Je vais vous montrer encore une autre personne qui est dépassée par les événements. Le jour suivant, Yeshua alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. Écoutez bien maintenant, fils unique de sa mère, vous avez entendu? Fils unique de sa mère qui était veuve. Donc là, une femme qui se marie, avec son mari, elle a un seul enfant. Son mari est mort. Il attend au moins que normalement c'est son fils qui va l'enterrer. Là, maintenant, qui va enterrer son fils. Imaginez quel état est cette femme-là, fils unique de cette maman-là, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13, écoutez bien, pour vous comprendre effectivement que le Seigneur, ce qu'il ressentait, c'est que cette femme-là ressentait. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, souligné pour elle. Parce que elle, il pouvait savoir ce qu'elle ressentait. Le Seigneur fut ému de compassion pour elle. Le cortège, comment on parle des filles pour aller enterrer comme on partait comme ça pour enterrer. La tombe était creusée. On partait comme ça pour aller déposer dans le sépulcre. Le Seigneur Jésus-Christ l'a regardé comme ça. Souvenez-vous, deuxième part, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Maintenant, son mari, maintenant son fils. Voilà le cas de son fils. Imaginez comment était son cœur. Regardez. Il s'approcha verset 14 et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Voilà notre Seigneur Jésus. Alléluia. Jeune homme, lève-toi. Pourquoi? Parce que s'il s'élève, le problème qui est dans le cœur de cette femme-ci est résolu. Jeune homme, lève-toi, n'est pas parlé à la maman, n'est pas parlé au cortège. Il a parlé, le problème qui a dérangé la maman. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Écoutez très attentivement. En fait, j'ai soutenu quelque chose. Verset 13 encore, regardez bien. Le Seigneur, l'ayant vu, fit ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Écoutez très attentivement. C'est profond. Ce seul verset, on peut encore prêcher là maintenant une heure. Hein. Ne pleure pas. Le Seigneur Jésus-Christ ne résout pas le problème. Avant de dire ne pleure pas. Normalement, quand vous perdez quelque chose, vous restez tranquille lorsque vous trouvez. Mais vous n'avez pas encore trouvé la chose que vous avez perdue. Quelqu'un vous dit que ne t'inquiète pas. Comment tu ne dois pas t'inquiéter? Pourtant, tu as cherché quelque chose. Alléluia. Ça, ah, c'est merveilleux. Il dit ne pleure pas. Voilà le secret. Voilà la personne dessus. Les gens sont de ouais, il ne pleure pas. Comment tu vas te tourner? Tu regardes ton fils d'avoir couché. Tu ne pleures pas. Il dit ne pleure pas. Pourquoi? Parce que pour lui, il est vivant. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Alors, je te dis, jeune homme, lève-toi. Il se lève. Il donne à son nom. Continuons là. Continuons. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Vous entendez la parole? Donc, il suffit que le Seigneur prononce une parole et la situation se règle. N'est-ce pas Dieu ici? Il suffit qu'il prononce une parole. Cœur brisé, vous en parlez, il y en a plein dans la Bible là. Avec ses propres disciples, il était dans la main, il était là couché, dormi, il fait comme s'il ne connaissait pas ce qui se passe. Satan s'est levé comme ça en soufflant le raccord, boum, boum, ça a commencé à faire. Mais nous périssons. Non, ils ont essayé par leur propre force. Ils enlèvent 1 litre d'eau, 8 ans. Ils enlèvent 8 litres, 64 ans. Là-bas, c'est fort. Là-bas, a commencé à entrer comme ça là. Il était calme là-bas dedans. Pensez que quand leur entrée, ça ne touchait pas, mais il ne comprenait pas. Celui qui veille sur Israël, il est sommeil, il dort. C'est lui là-bas. Mais il est couché là, pour voir juste où ça peut aller. Alors, quelqu'un s'est même venu vers Jésus. Maître, ça ne te dit rien que nous périssons. Là, nous sommes finis ici. Il s'est levé, attrapé une corde comme ça, guetter le vent avec le ouragan comme ça. Il dit silence. Il se tourne. Quand il dit silence, tout s'est envoyé. Il se tourne vers eux là-bas. Mais vous dites quoi? Vous parlez de quoi tout à l'heure là? Vous dites, vous disiez quoi hein? Chacun dit, mais tu, ce n'est pas simple. Alléluia, il n'est pas simple. Il veut venir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. N'importe quel style de panique qui était sur le cœur, il temporise. Jésus-Christ est le Dieu qui parle au flot, aux tempêtes de nos cœurs. Tais-toi! Silence! Silence! C'est en ce sens-là que la paix du Christ surpasse toute connaissance. Surpasse toute connaissance. Dans l'endroit où le cœur doit troubler, embrouiller, tu es calme. Amen. Alléluia. J'en sais quelque chose. Vous savez, lui là, j'en sais quelque chose. Sa main là, j'en sais quelque chose. Pour ce qui est arrivé tout à l'heure. Pour ce qui est arrivé. Depuis 2 ou 3 jours, il est malade. Il chauffe là. Tu mets la température, c'est 42 degrés, 47 degrés. Normalement, il y a des situations critiques où tu vois 40 degrés. C'est la panique qui commence. J'étais là calme parce qu'il sait exactement ce qui arrive. Je ne suis pas seulement permis de parler, parce que je parle, ça va s'empirer, parce que je suivais les événements tout autour de nous. Parce que j'ai attaqué un endroit où il ne faut pas attaquer. J'ai attaqué un endroit où il ne faut pas attaquer. Je parle, ils doivent savoir que si la solution c'est ici. Alors l'autre est venu là hier, quand c'était devant vous ici là, l'autre, un de nos amis est venu ici là, il a dit que, mais quand il a touché comme ça, le gars chauffait, il dit que non, l'enfant s'est pas confusé. Il a jeté là en train de lui tranquillement. Il a dit que, amenons-le à l'hôpital, amenons-le à l'hôpital, laisse-le tranquille là. Laisse-le tranquille. Il a dit que non, il a porté l'enfant lui-même comme ça, il dit que non, il va à l'hôpital avec l'enfant. Il dit qu'il dépose l'enfant là, dépose-le. Il a mis le thermomètre, 45 degrés, c'est 41 degrés pour un petit garçon. 41 degrés, je sais où il en est. Il dit, laissez-le tranquille, c'est la nuit que lui et moi on va parler. Lui et moi on va parler dans la nuit. Sa maman a pris la serviette, maître, il s'est pris un maître, il s'est dit que laisse-le tranquille chauffer. Nous allons chauffer. Quelqu'un dit celui qui vient pour restaurer le cœur brisé. On ne peut pas parler. Je ne parle pas, je connais de qui il est là. Il souffle sur les flots. Il souffle sur les flots. Mais cela n'arrive pas, je ne peux pas vous reporter là. Je suis à vous dire, c'est moi. Mais vous, c'est le petit, c'est toujours bien, pas vrai. Alors, il est couché là comme ça, on parle. Nous communiquons. Alors qu'est-ce qui arrive? Tant quelqu'un même ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Satan va toujours utiliser notre intelligence pour nous attraper. Notre intelligence. C'est pour ça que Satan veut toujours mettre les gens dans la chair. Parce que si tu es mis dans la chair, dans le domaine de la chair, ceux qui ne voient pas dans l'autre côté, tu es fini. Qu'est-ce que la science a dit? Quand la température après dépasse à 40 degrés, vous ferez mieux de commencer à préparer le cercueil. C'est pas ce que Dieu a dit. Il n'y a pas ça ici. Puisque celui-ci arrive jusqu'à la mort, il a dit que jeune homme, lève-toi. Pourquoi il a laissé que ce garçon se meure alors qu'il connaissait? Pourquoi il a choisi de passer là lorsqu'on allait enterrer ce garçon? Pourquoi? Parce qu'il est venu pour montrer qu'il est le tout puissant, qui peut arracher même à la mort le plus extrême la personne que Satan a prise. Amen. Amen. C'est ça, c'est lui là, notre Seigneur Jésus-Christ. il sait jusqu'où il peut aller. Or, qu'est-ce que Satan fait? Il fait comme ça, vroom, panique, panique. Il nous attendait à l'hôpital. Il nous attendait à l'hôpital. Un hôpital inauguré par les Rotary Club, par les Lions Club, où ils ont mis leur insigne là-bas pour dire que c'est nous qui contrôlons. Tu attaques un des leurs là-bas, tu viens là-bas pour être soigné. Vous parlez dans ce monde-ci là. Le monde actuel est sous la puissance, sous la, le contrôle du malin. Le contrôle du malin. Tu attaques comme ça. Il convise, oui. Il y a l'autorité dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Mais il doit agir en son sang. Que doit faire donc celui qui a le cœur brisé? Regardez seulement au Seigneur. Alors, quand qui doit faire celui qui a la connaissance que si on a le cœur brisé, on va faire comme ça. Il doit rester tranquille et attendre en silence le secours du Seigneur. Il doit attendre avec. Alors, ma femme dit que. On va à l'hôpital. Ma femme dit. Laisse-le. Quand tu étais ici, dans ça, plus de toi. Quand on a tiré l'enfant ici. Comment? On a tiré l'enfant ici, juste parce qu'il a apporté. J'ai dit, mon fils, tu vas aller à l'hôpital. Il dit, laisse-moi aller, papa. Il dit, ok, reste là. Lui, bon, on prie. Alors, la nuit, nous avons prié. La nuit, nous avons prié. Il a attendu que le sommeil emmène sa mère. Alors, on est entré dans la dimension de la prière. C'est qui ici? Qui est ici là maintenant? C'est qui ici? C'est Josué. Il est là. La dernière fois, c'était celle-là. Elle est couchée, on vous a comme une simple femme-là. Elle était couchée, là, l'esprit est entré, bam, entre. Subitement, même pas lui est entré. Je suis là, tu ne lui regarde comme ça, il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis là, tu veux dire, Seigneur, c'est ça, c'est pas le parler. Je dois raconter ça, n'est-ce pas? Celle-ci était là, elle était là. Elle était couchée, là, oh, subitement, comme ça, malade. Si, quand le Saint-Esprit dit ça, il dit, lève-toi, parle. Je suis levé, il parle. Au nom de Jésus, je te commande de quitter cet enfant, lâche-la maintenant. J'ai mis le Seigneur, ouah. À l'instant, il dit, allez donc, je vais en bas. La première personne qui s'est levée, c'était, ouais! Allez pour aller jouer. Vous entendez ça? Qu'est-ce qui arrive? Il met comme ça pour te faire paniquer. Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. Connaissant le Dieu que je sers, aucune situation ne me fait paniquer. Aucune situation. Voici donc ce que Satan fait, non? Il sait que tu es dans le domaine de la chair. Il met des situations autour de toi, les gens autour de toi, les gens autour de toi. Pour faire quoi? Pour te faire paniquer. Et quand il te fait paniquer maintenant, il envoie dans son filet pour t'arrêter. L'angoisse, avec l'angoisse, la peur, il t'arrête. C'est pour cela qu'il n'a pas pu toucher Job. Dans son âme. C'est pour ça qu'il n'a pas pu toucher Job. Écoutez, si vous avez lu l'histoire de Job, vous allez remarquer que quand il frappe, il laisse toujours une personne qui va annoncer la nouvelle. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi aussi le doute. Le doute vient aussi de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'il a entendu? Quand l'enfant arrive 40 degrés, je connais un enfant là-bas qui était avec 40 degrés, ses yeux sont sortis, ah, sa langue est sortie. Quand l'enfant arrive 41 degrés, la même parole de que la fesse, on va dire que tu es mon enfant ici. Alléluia. Dis à quelqu'un que le Seigneur Jésus est puissant. Amen. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, qu'est-ce qui arrive? Tu dis, je connais un enfant au sein, un moment qui faisait comme ça là. Son enfant, je ne fais pas la tête. Un temps là, comme ça là, l'enfant est parti. Tu restes tranquille comme ça. L'affaire vient souvent, Satan dit dans ton cœur, c'est vrai. Amen. Tu viens à l'hôpital, le médecin dit que oh, tu es venu quand ton enfant est fini, tu n'as pas dit l'affaire là. On voit maintenant que l'enfant meurt. L'enfant n'est pas mort parce, à cause de cette maladie, mais à cause de ce qui a été injecté en toi. Souvenez-vous d'une chose. Un, ce n'est pas nous qui décidons qu'un enfant vient au monde. Si Dieu fait décider qu'un enfant vient, il a un plan. Et s'il a dit quelque chose, ça va s'accomplir. C'est un peu comme un jour quand il voyageait, quand il venait de l'extérieur. On arrive que quand l'avion a décollé, brrr, subitement on est dans les nuages, ça a commencé. Les gens, j'ai entendu seulement dans l'avion, waouh! J'étais étonné parce que d'abord, je ne savais même plus que j'étais dans l'avion ou pas. Parce que j'étais en train de penser, j'ai regardé les nuages en bas, comment c'est beau là. J'étais en train de penser en méditant à cela que waouh, le Seigneur. Et un homme s'est lève pour mettre la porte et vous dire que je vais être tué ici dehors. Ne sachant pas que dans le ciel là, c'est tellement immense. Donc j'ai médité, quand l'avion fait boum, les gens commençaient, oh, oh! Je dis, quand je reviens maintenant à moi, il regarde, il dit, ça c'est l'avion. Et alors, à cet instant, subitement, tu vois toutes les catastrophes d'avion que tu as vu dans la télévision. Tu vois, c'est comme ça, l'évangélisant, son évangile vient vers toi. Une chose me revient encore à l'esprit. Dieu t'a fait aller dans ce pays afin que tu puisses annoncer ce que tu as vu. Donc, forcément, il va arriver dans le pays. Si Dieu a dit quelque chose, c'est le mot qui va venir publier. C'est quand il devient le fantôme qui va venir publier. Donc, comme je suis entré dans l'avion, je suis censé arriver. Donc, tout le trou qui s'appelle la cause trop. Quand ça m'est venu, j'ai fait mon pied comme ça dans l'avion, comme ça là. Dormi encore bien. En disant, Seigneur, si tu veux, tu fais le boum, je me retrouve plutôt à Douala, il n'y a pas de problème. On est arrivé à Douala, Saint est sauf. Satan met les situations de la chair pour nous faire paniquer. Satan met les situations de la chair pour nous faire paniquer. Donc, un homme qui vit en comptant sur le Seigneur Jésus, qui ne regarde pas aux événements physiques. Parce que si vous regardez aux événements physiques, vous, tout ce qui avait été vous, vous voyez que la femme, l'enfant, c'est à 20 ans, personne ne pourrait supporter. Personne. Il fait tout et tout là-bas, ça va bien. Il fait comme s'il ne voit pas. Il fait comme s'il ne voit pas. Mais étant là où je suis en train de travailler dans l'esprit. Parce que les gens ont comme besoin qu'il faut que tu fais. Pourquoi ça tu es en train de travailler? Je suis là, je suis en train de surveiller dans l'esprit profondément. Pour voir ce qu'il en est. Et l'autre là, quand l'esprit là ne nous apprend, tu paniques, tu pars, on injecte n'importe quoi à cet instant là, l'enfant part. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont amenées, ont amené gens à l'hôpital, qu'on ne devrait pas amener. Beaucoup de personnes ont amené gens à l'hôpital, qu'on ne devrait pas amener. Voilà pourquoi vous voyez, effectivement, les médecins les plus talentueux viennent pour opérer quelqu'un. Vous entendez qu'on a oublié le ciseau. Comment on peut oublier les ciseaux dans le ventre d'une personne? On court. Peut-être que ça sert à quoi un temps le cancer, la personne meurt de cela. Parce qu'on a poussé comme ça à l'erreur. Le médecin se lève. Il faut vous dire quoi qu'il a mis le ciseau, c'est le ventre qu'il a mis. Il l'oublie. On le fait oublier. Au temps de ces choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Être gardé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Comptez sur le Seigneur. Donc, deuxième point, il est venu pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Voilà. Luc chapitre 7, c'est là où nous partions. Et nous avons vu cette veuve de Naïm. Verset 15 dit, et le mot s'assit et s'est mis à parler. Yeshua le rendit à sa mère. Vous avez vu? Et il a dit, voici ton cadeau. Vous avez saisi, n'est-ce pas? Il a restauré sa mère. Pourtant, l'état là, c'est impossible aux hommes. L'homme avait la fait sa part. Tout ce qu'il peut faire, c'est mettre dans le cercueil. Aller me quoi? Enterrer. Pour eux, finir là. Mais pour Jésus, il n'est pas encore terminé. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il parle, les choses changent. Il dit, jeune homme, lève-toi. Il se lève. Tout son corps, s'il était pourri, tout le corps devient encore normal. Ah, quel Dieu nous avons asservi. Quel Dieu nous avons asservi. Il ne s'agit pas là de la religion. Il s'agit d'une expérience de la résurrection. Le Dieu qui est vivant, qui dit et la chose s'accomplit. C'est ici, n'est-ce pas? Il dit, faites attention parce que ça risque de barder tout à l'heure. On va prier. Hein, mon cher? Ah, on avait promis là, quelque chose la dernière fois. C'est la prochaine fois. Voilà ce qui est la raison. Ce soir, prépare-toi à prier. Que tu vois que ton cœur bat comme ça. Parce que ton cœur fait boum. Ça va prier. Donc, rentrons dans notre Luc, chapitre 4, dans le texte de base. Verset 18 dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous y êtes là? On avait dit le 1, c'était annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le 2, c'est envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le 3, c'est pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est merveilleux tout simplement. Vous pouvez noter Luc chapitre 19, verset 1 à 10, le cas des Zachée. Je vais expliquer cela dans Luc chapitre 19, verset 1 à 10. C'est le cas des Zachée qui est un collecteur d'impôts. Bah, c'est un homme qui vit, collecteur d'impôts, on les appelle aujourd'hui les trésoriers. Il voit l'argent comme ça, là, il en donne la corruption. Il commence à prendre l'argent maintenant, il multiplie les exactions, il multiplie les fausses choses, donc il entre dans une mauvaise vie. Le Seigneur Jésus-Christ vient maintenant, il entre chez lui pour manger avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour lui indiquer que tu ne devais pas marcher dans cette voie-là. Tu n'es pas fait pour marcher dans cette voie-là. La Bible déclare que quand le Seigneur Jésus-Christ est resté là, subitement il s'est levé, il a dit que s'il a fait du tort à quelqu'un, il rembourse au quatrième, il va rembourser sur ta dette, il partage la moitié de son argent avec les pauvres. Quand il a dit ça, le Seigneur Jésus-Christ dit, au verset 10, il dit que le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Vous entendez? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Pourquoi? Parce que cette personne était dans la captivité. Il avait la captivité, il était dans captif par la situation, la façon dont il vivait. Il savait qu'il était dans la faute, mais il ne savait pas comment s'en sortir. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne vers lui. Maintenant, il a été libéré. Il peut maintenant restituer. Deuxièmement, quand il va aller au bureau le lendemain, quand il a suivi encore pour corrompre, il n'a plus corrompre. Parce que maintenant, le salut est envoyé. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. On va voir encore un autre cas. Vous y êtes? Notez Colossiens chapitre 2. Notez Colossiens chapitre 2, versets 12 et 13. Vous connaissez cela. Mais on va prendre Luc chapitre 13. J'ai dit notez Colossiens. Là, on va lire, je vais vous en dire. Oh mon Dieu. Luc chapitre 13, versets 10 à 16. Luc. chapitre 13, verset. La parole est riche, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Satan gesticule seulement. Notre Seigneur Jésus-Christ est victorieux. Il sera toujours victorieux. Comme la Bible déclare qu'il a accompli tout à la croix, là. Tout ce que Satan fait là, c'est des histoires. Il tape seulement la queue. Vous savez, quand on coupe le cou de la poule, là, vous le laissez là. Il court avec la plus grande vitesse. Juste en courant, il dit que même mince, à moins on devait me couper la tête. Ne vous gênez pas, laissez-le tranquillement. Il va aller, le prochain mur va l'arrêter. Alléluia. Amen. Mais quand il court, tu peux vouloir encore aller courir, attendre que tu te brises le pied là-bas. Alors qu'il faut laisse-le tranquille. Il gesticule. On appelle ça, non, ça les sourds sur l'angolie. Luc chapitre 13, verset 10 à 16. Frère, tu peux nous lire que le Seigneur bénisse. Le Seigneur Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Oui. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Oui. Elle était tombée et ne pouvait pas du tout se redresser. Vous entendez? Vous voyez les gens en ville, vous voyez une grosse bosse ici comme ça, là. Vous voyez quelqu'un est tordu comme ça, vous dites, mais comment cette personne se fait pour vivre? Vous voyez une autre personne, elle est tellement tordue, un genre. Cette femme-ci avait été tordue comme ça pendant 18 ans. Et c'est un démon qui était assis sur elle comme ça. Démon assis sur elle. Vous la voyez comme ça. Vous voyez cette personne sur la nuque qui est gros comme ça là. On dit, oh, les blancs ont trouvé le nom là-bas, on dit c'est le gouadre. Vous voyez non? On teste pour voir si il y a encore. On dit que c'est le gouadre. Le cou est grand comme ça. D'autres personnes voient évidemment que c'est les yeux, les oreilles qui ont gonflé comme ça là. Cette femme, c'est avec ces gens. C'est on dit qu'elle était possédée d'un esprit depuis combien? 18 ans qui la rendait infime et elle ne pouvait pas se redresser. Elle va faire comme ça. Vous allez dire, mais cette personne ne peut pas se redresser. Tant que cet esprit est là, elle ne peut pas se redresser. Si le soleil qui ne vient pas, elle meurt comme ça dans son secteur, elle meurt comme ça. L'esprit sort pour aller entrer à chaque personne. La prochaine fois que la personne entre, elle juste comme ça, cap, à petit, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tu peux plus te redresser, l'esprit s'est installé. Tu peux plus te redresser. La majorité des gens vous voyez infime là-dehors sont les esprits là, bien sûr. Vous saisissez ça? Alors, souvenez-vous, nous sommes dans la troisième partie pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, lisons. Lorsqu'il la vit, le Seigneur Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. Vous avez suivi ce que le Seigneur a dit? Vous avez suivi ce que le Seigneur a dit? Femme, tu es délivré de tes infirmités. Tu es délivré. Il est venu pour proclamer la délivrance aux captifs. Tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré. Quand il dit cela, ça prend effet là, immédiat. Alors qu'est-ce que le démon va faire? Il est censé partir. Quand le démon sort comme ça, là, il est mis en cage. Délivré dedans. Je crois que ce n'est pas le moment d'enseigner sur ce domaine, dans le domaine. Tu es délivré de ton infirmité. Donc, je suis de prendre un exemple de l'une des missions qu'il a fait. Je suis de prendre un exemple à chaque cas pour qu'on envoie dans la Bible. Il y en a plein. Donc, il va se faire, tu es délivré de ton infirmité. Maintenant, la chef de la synagogue va être jaloux en disant qu'il y a 7 ou 6 jours pour travailler. Pourquoi on ne peut pas attendre ces jours? On va guérir le jour du sabbat. Maintenant, je suis qui va expliquer maintenant doucement en disant que si vous pouvez aller, lequel de vous ne détache pas son truc pour aller le faire boire le jour du sabbat. Et cette femme, après, va nous dire que Satan a lié pendant 18 ans. Regardez ce qu'il dit là-bas. Verset 17, verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ah, c'est terrible seulement. Donc il y a des gens qui marchent, qui ont des chaînes dont Satan les a attrapés. C'est Jésus qui vient de nous donner l'information. Cette femme pouvait marcher, n'est-ce pas, elle était chaque jour au sabbat? Non. Si ça fait, tu vas dehors, tu ne vas pas faire ça dehors. Le jour du sabbat, ils ont eu des sabbats pendant 18 ans. Des sabbats pendant 18 ans jusqu'à cette année-là. Jésus est venu le jour qu'il a ouvert le livre, il a dit que aujourd'hui, la parole de l'Écriture est accomplie. On dit c'est comme si Satan la tenait liée. Et Jésus explique que c'est avec la chaîne. Ne fallait-il pas la délivrer cette chaîne? Donc, de la même façon, quand vous voyez, en prison, on met quelqu'un qui est condamné, on promet les chaînes, c'est qu'on met quelque part. De la même façon, spirituellement, les gens sont comme ça. Tu avances n'importe comment dans ta vie, tu avances n'importe comment, tu trouves qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Tu sembles, c'est comme s'il y a une porte qui est censée s'ouvrir, mais tu sens que quelque chose ne va pas. Tu sens que, entre guillemets, tu sens, tu sais toi, entre guillemets, que quelque chose ne va pas. Pourquoi j'avance ici, ça semble fermé? Il y a une chaîne qui retient. Voilà pourquoi, donc, Colossiens dit que. Il faut qu'on soit délivré de la puissance, délivré délivré. Quand il est délivré, ça se pense que tu es quelque part, tu es enfermé. On dit crata, sors. Ça, c'est moi là. Vous comprenez? Cette femme-ci, elle était comme ça dans la cage pendant 18 ans. Ce jour-là, jusqu'à dire que femme, tu es délivrée de ton infirmité. À cette personne-là, va se relever. Écoutez, lisons là. Lisons. Verset 16 là. Et cette femme qui était une fille d'Abraham, et que Satan, écoutez bien les paroles du Seigneur Jésus, et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Jésus dit exactement quelle est la cause de son problème. Satan tenait lié. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Satan, vous quand lit, on ne lui donne pas l'information, mais de toute façon, l'information c'est qu'elle est en prison. Elle est en prison, mais elle marche pour venir à l'église. Elle chante avec chaque jour à l'église. Mais Satan la tenait lié. Écoutez très attentivement. Ne fallait-il pas la délivrer de cette femme, de cette chaîne? Satan la tenait lié avec des chaînes. Vous avez vu ça? De cette chaîne, le jour du sabbat. Tandis, pourquoi? Parce que le sabbat a été fait pour la liberté. Le repos, pour qu'elle soit reposée. Le repos. Donc, cette femme-ci a le jour, elle a de pression, elle ne se repose pas. Jésus dit que cette chair, c'est déjà-ci, c'est le jour du sabbat. Pour que la liberté là soit en elle. Alléluia. Verset 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Vous y êtes? Amen. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Maintenant, regardez le verset 13 en haut. Quand il a dit, au verset 12, regardez bien le verset 12 et 13. Verset 12, lorsque le Seigneur Jésus a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. La Bible déclare verset 13. Quand il a dit cette parole, et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Imaginez un peu comme que vous êtes bloqué. Peut-être que vous voulez avaler quelque chose, elle ne sort pas. Vous faites, vous tapez. Quand la chose passe, vous faites un soulagement. Vous qui allez au toilette, vous savez ce que ça fait quand quelque chose, quand c'est bloqué. Vous tortillez au toilette comme ça. Vous tortillez comme ça. Quand ça sort, boum. Vous faites, ah. C'est ça, n'est-ce pas, mon frère? Ah, quelle délivrance. Mais imaginez quand vous maintenez comme ça un an. Imaginez quand vous maintenez comme ça un an. Ou bien vous venez au toilette comme ça pendant que ça vous sortit, quelqu'un au toilette. C'est que vous allez danser là-bas comme ça pour dire que. Quand la personne sort, tu dis bonsoir, sort. Quand tu as sorti, tu as droite, tu es à l'aise. Pas vrai, Flash? Absolument. Maintenant, imaginez donc cette chose qui pèse cette femme-là. Quelqu'un porte un poids satanique pendant 18 ans. C'est ce qui dit que femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui impose la main, elle se redressa et glorifie Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen. Amen. Petite fille. Amen. Amen. Petite fille. Amen. Amen. Amen. Petite fille. Amen. Amen. Elle n'est plus dans notre univers. Donc nous avons vu plusieurs cas dans le monde. Nous avons vu le premier cas, le cas des Zachée, dans celui du livre au chapitre 19, verset 1 à 10, qui était lui dans une chaîne de captivité, de corruption et de malversation financière, dans le poste où il avait été déposé. Christ est venu, notre Seigneur, il a regardé comme ça, le gars a compris qu'il n'a plus été là-bas. Il était délivré. Amen. Le Seigneur a dit. Cette femme-ci, elle était là comme ça. On pouvait avoir pitié des petits. L'être humain, tout ce que l'être humain peut faire à ce niveau-ci, c'est dire, maman, courage. C'est tout ce qu'on peut dire là. Mais il faut qu'une parole sorte de la puissance opposée pour déclarer cela libre. Quel Dieu nous avons à servir. C'est magnifique. Alléluia. Amen. Voilà, on peut en prendre encore dans Luc chapitre 7. Verset 36 à 50, la femme pécheresse. La femme pécheresse. Vous connaissez cela, notez. Qu'on avance. N'est-ce pas merveilleux aujourd'hui? Les dimanches ne seront plus les mêmes ici, dans cette maison. Je vous le dis. Les dimanches ne seront plus les mêmes. Préparez-vous. On se prépare, n'est-ce pas? Absolument. Verset 36. Écoutez tout attentivement. Un pharisien pria Yeshua de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Vous savez moi? Et voici une femme pécheresse. Une femme pécheresse. Donc une femme qui vivait dans le péché. Qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Ce comportement, ce n'est pas un bon comportement. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un comportement normal. La femme, par exemple, le Seigneur Jésus entre dans cette ville-ci. On lui donne la fête dans cette ville-ci, on le reçoit, c'est pour qu'il mange ici. La femme est dans la ville, comme par exemple, on peut entendre qu'il y a une femme prostituée de renommée dans la ville. Elle entend que Jésus est entré dans la ville, qu'elle est dans la maison, elle vient là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme-ci était dans le péché, mais cherchait à s'en sortir, mais elle n'a pas le pouvoir. C'est la personne qui elle pêche, elle sait qu'elle a des péchés, mais elle n'a pas le pouvoir pour s'en sortir. Elle ne sait pas comment faire pour sortir dans ce cas-là. C'est ça qu'elle allait faire. C'est lui qui peut le délivrer. En fait, c'est ça. Normalement, quand quelqu'un est comme ça, il fuit seulement. Pourquoi on ne dit pas que parce que si on dit ça, on va dire que hé, tu n'aimes comme ça, mon frère. Alléluia. Donc, les gens, quand on sait que quand il y a le discernement, on ne peut pas venir dans le milieu. De toute façon, c'est que tu peux savoir que tel fait comme ça, comme ça. Les gens fuient plutôt. Mais elle est plutôt venue voir là où Jésus s'est trouvé à la fête. Normalement, elle s'est censée même bien fêter. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le parfum. La Bible déclare un vase contenant de la bâtre, un parfum de grand prix, rempli. Elle est venue vers Jésus. C'est tout ce qu'elle avait. Souvenez-vous, que le parfum représente les prières. Et s'il y a le parfum cher gardé dans des vases, ça veut dire qu'elle a les prières les plus précieuses sur son cœur qu'elle a donné au Seigneur. Amen. Avançons ici. Vous pouvez me faire parler maintenant. Et c'était, verset 38, et c'était derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec les cheveux, les baisa et les oignit du parfum. Vous savez, c'est quand même une façon de comporter le Seigneur bizarre. Donc, on reste comme ça, quelqu'un entre, on ne lui dit pas bonsoir, on ne lui dit pas bonsoir. Il s'assoit là, tu fais. Les larmes, il te regarde aussi comme ça, il reste aussi tranquille. Parce qu'il veut que ça aille jusqu'à là où ça va aller. Mais là, les humains, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient comme ça, bro, tu dis, recevez ces femmes, les cheveux, donnez le mouchoir. Il faut même laisser quelqu'un s'exprimer. Amen. Mais il faut le discernement. Alors, il reste tranquille. Elle le suit. Quand ça avait coulé, elle était sortie le pied de Jésus. Chacun reste tranquille, chacun est étonné de ces comportements parce qu'on n'a pas encore vu ces des comportements. Quand il finit de faire comme ça, là, quand ses larmes pleurent sur le pied de Jésus, je peux en parler là maintenant, les larmes sur le pied de Jésus. Les larmes sur le pied de Jésus. Quand ça sort de ses yeux, sur le pied de Jésus. Vous savez ce que les larmes, ça signifie? De pleurer sur le pied de notre grand Dieu et Sauveur. Je peux parler. Alors, quand elle finit comme ça, elle prend ses cheveux. Comme vous savez, elles ont un long cheveu. Elle les suit avec, on lui prend son habit pour les suivre avec les cheveux. Vous savez à quoi sert les cheveux d'une femme? D'essuyer les pieds avec cela. Les pieds qui sentent avec des larmes. Vous savez, toi, tu lui as écrit que si pour pleurer et devait te prouver une preuve d'amour, c'est que tu vas pleurer tout l'océan de tes yeux. C'est pas ce que tu as écrit? C'est écrit ça. Donc, regarde, les larmes, n'en parlons même pas. Donc, elle pleure. Les larmes coulent de ses yeux pour tomber sur le pied de Jésus. Elle prend ses cheveux pour pouvoir essuyer le pied de Jésus avec. Vous savez ce que ça veut dire, frère? Comme vous savez le savoir. Maintenant, la Bible déclare, regardez bien. Non, vous savez, puisqu'il parlait de ça, vous avez dit qu'il ne dit rien comme ça. Les baisa et les oignit de parfum. Vous savez, verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyons cela, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, donc à l'intérieur qu'elle parlait dans son cœur, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Ha! Donc le monsieur là a vu Jésus, vous avez dit que il croit que tu étais un prophète. Comment il peut laisser cette femme? Parce que sa renommée est connue dans la ville. On sait que c'est un prophète, que c'est une pécheresse. Il a commencé à dire dans son cœur, et personne n'a entendu ce qu'il a dit là. Il regarde Jésus comme ça. Donc chacun regarde, quand vous me regardez, chacun a sa part de pensée. Parmi vous, certains disent que le gars c'est bavard de vite. L'autre dit seulement qu'il parle trop. L'autre a dit comment il fait pour connaître toutes ces choses là. L'autre dit que Philippe, vite, on parle dormir. Chacun a sa pensée, pas vrai? L'autre dit que explique-nous ça bien clairement, frère Junior. Pendant ce temps, l'autre semble le faire comme ça là, le cœur. Le cœur est en joie. Avant qu'on ait expliqué. Pas vrai? Pas vrai? Absolument. Alors. Il dit en lui-même, dans son cœur, que si ce type c'était un prophète comme je croyais, il devait savoir de quelle espèce et de quel type de cette femme-là, qu'elle serait une prophète pécheresse. Écoutez ce que le Seigneur va vous dire. Lorsqu'il va penser comme ça, le Seigneur va se tourner vers lui dire, répondre à l'interrogation qui est à l'intérieur. Si vous lisez la Bible de cette façon-là, vous devez savoir qui est le Seigneur Jésus. Si vous lisez la Bible en constatant s'il y a des choses, vous devez savoir qui est Jésus. Donc tu restes là, tu penses quelque chose, il te dit ce que tu as pensé. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Ok, maintenant. Regardez. Verset 40. Le Seigneur Jésus prit la parole et lui dit, Simon, regardez, il appelle le pharisien par son nom. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, maître, parle, répondit-il. Ouais, il a dit, parle, il ne sait pas de quoi Jésus devait parler. Il dit, un créancier avait deux débités. C'est là où le Seigneur Jésus va expliquer les pleurs, le parfum de cette femme-ci. C'est la parabole qu'il veut vous donner, c'est pour expliquer pourquoi la femme s'est agi ainsi. Il dit, un créancier avait deux débiteurs. l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel aimait le plus? Vous avez vu? Il veut prendre un langage simple. Je suis quelqu'un qui... Bon, je n'ai pas de l'argent, je ne vais pas prendre le corps. L'argent sur moi. Tu as un bailleur, par exemple, qui a deux personnes qui lui doivent de l'argent. Toi, tu lui dois 10 000. L'autre personne lui doit 800 000. Personne parmi vous, ni toi qui lui dois 10 000, ni l'autre qui a 800 000 de dettes, n'a de quoi payer. Le bailleur vous appelle, vous deux. Et toi, tu me dois combien? Tu dis 10 000. Toi, tu me dois combien? 800 000. Il dit, ok, je vous annule vos dettes. Jésus pose la question. Lequel parmi les deux va aimer plus le bailleur? C'est toi, tu penses lequel va aimer? Celui qui a 800 000. Celui qui a 800 000, ouais, c'est naturel. C'est naturel, pas vrai? Comme alléluia. Maintenant, le Seigneur Jésus va montrer quelque chose dans cette parabole. Parce qu'il y a deux situations, deux personnes qui se présentent. Regardez bien. Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Vous voyez? Donc, il a répondu exactement bien comme tu as répondu. Donc, tu as répondu exactement comme le type a répondu à Jésus. Et Jésus a dit, tu as bien jugé. Après, Jésus va lui expliquer. Regarde bien. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Donc, le Seigneur Jésus est en train de parler de deux situations. Quelqu'un qui a doit une dette. Donc, le pharisien doit une dette au Seigneur. La femme la doit une dette au Seigneur. Mais les dettes ne pèsent pas de la même façon. Donc, comme cette pharisien est en train de voir la femme comme une pécheresse, il ne sait pas qu'il a sa part devant Dieu. Il ne sait pas qu'il a sa part, mais sa part est seulement moindre. C'est pour ça qu'il peut demander à Jésus, dit, oh Seigneur. Il ne comprend pas l'importance du prix de Dieu. Que cette femme-ci est en train de souffrir. C'est ça, n'est-ce pas, frère? C'est ton ami là-bas. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 7, c'est ça? Nous sommes 44. Luc chapitre 7, là, vous voyez. Ouf! Vous y êtes, n'est-ce pas? Verset 44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Il dit, vois-tu cette femme, en pointant la femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver, c'est ça non? Pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés. Elle est de ses larmes, elle les a essuyés de ses cheveux, c'est ça? Avec ses cheveux. C'est quand même terrible ça. Oui, avec ses cheveux. Verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser. J'espère que vous comprenez que les deux personnes qui ont donné la parole, c'est les deux personnes-ci. Il a dit de parler de la femme et de l'homme. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Sur les pieds. Amen. Verset 46. Tu ne m'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Après verset 47, écoutez très gentiment. C'est pourquoi je te le dis. Ces nombreux péchés. Ça, c'est un scandale au milieu des gens, des juifs. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Ah, merveilleux Seigneur. Vous voyez ça? Vous avez entendu? Il y a quelque chose d'anormal dans ces versets. On n'a pas dit qu'à cause de cet acte-ci, ces péchés sont pardonnés. Dans ce cas, les péchés seront pardonnés à cause d'un acte. Pas vrai? Il dit que c'est pourquoi je te le dis. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Donc c'est à cause de ça que cette femme a été manifestée. Donc la présence du Seigneur Jésus-Christ dans cette ville a attiré cette femme-là. Il a su que, comme Jésus était resté dans la maison de Zachée sans rien dire, et Zachée a agi quand il fallait agir. C'est ça. Je connais mes bébés, comme elles connaissent. Elles viennent. La femme a quitté l'eau, venir. Elle a commencé à verser. Et le Seigneur qui a expliqué en fait que le geste qu'elle avait fait là, c'est parce qu'elle sait qu'elle a été pardonnée. Quand Jésus est entré dans la ville, quelque chose lui a attesté. Alors elle est venue pour rendre grâce à Dieu. Vous voyez ça? Il dit, c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été, pas sont pardonnés. Vous voyez, ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Vous voyez? Mais celui à qui on pardonne peu, un peu. C'est pour ça que tu vas me dire, André, assieds-toi là-bas, c'est plus sans ton problème. Je sais qu'il est resté là comme ça. Alors, mais Jésus, ça ne le dérange pas. Tu aimes à ton niveau. Tu aimes Jésus à ton niveau. Il te répond à ton niveau d'amour. Tu l'aimes plus, il te donne aussi plus. C'est ce qu'il est là. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il rendra à chacun selon son œuvre. Amen. Qu'est-ce pas merveilleux? Comment cette femme-ci vivait à ce genre de péché? Vous pensez quoi? Prenez par exemple aussi la femme de Jean chapitre 4, la sept Samaritaine, qui est partie vers les 15 pour aller puiser, parce que normalement, dans le territoire juif, les jeunes filles vierges allaient en groupe aller puiser de l'eau. Mais elle est venue seule. La Bible dit que Jésus l'a rencontrée seule en bordé de puits, parce que personne ne pouvait marcher avec elle. Les vierges ne marchent pas avec les prostituées. Celui qui attendu vers le 15 mai s'asseoir à côté de lui, que vous allez acheter des tomates. On ne comprend jamais ces personnes-là, ces personnages. S'assoit là tranquille. Femme vient. Femme, donne-moi de l'eau à boire. Il attaque en premier. Il est comme ça, il voit que c'est un juif. Toi, qu'est-ce qu'il y a avec toi et juif entre nous, les Samaritains? C'est elle qui a commencé la guerre des religions. Vous voyez ça? Il dit, si tu connaissais qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, c'est que c'est toi-même qui viens de lui vous donner de l'eau. Il dit que. Seigneur, l'eau là est où? Donne-moi qu'il parce qu'il vient plus censé même. Qu'il vient ici, parce que chaque fois qu'ils sont venus ici, pourquoi plus on va bien voir. Il dit donne-moi pour qu'il vienne pas censé même ici boire. Donc pour elle, si elle a une eau et boire, pour qu'elle n'a plus jamais le soir, elle vient plus ici là. Comme ça, on n'a plus la voix pour dire que voilà la prostituée, la prostituée. Il dit ok. Cette eau là, à condition de dire non, c'est que va amener ton mari. Pourquoi? Parce que son problème c'est au niveau du mari. Son problème c'est au niveau du mari. Voilà, là où elle a été captivée. Satan a les filets. Beaucoup de filets. Comme vous voyez les chaînes, on lance souvent sur les murs comme ça, quand ça arrête. Satan en a beaucoup. Il lance le pas ça à toi ta vie. Tu avances seulement, il déroule un peu. Il avance. Tu sais quoi, tu avances. Un moment, quand tu es tué, tu es sorti, tu comprends que quelque chose ne va pas. Mais tu ne sais pas ce qui ne va pas. Il faut la délivrer. Le Seigneur est venu proclamer la délivrance aux captifs. Amen. Cette femme-ci, les gens, chapitre 4 qui vient citer la femme samaritaine, avait le problème du mariage. Elle quittait de mari en mari. Ce qui n'est pas normal. Parce que la Bible déclare que l'homme quittera son père, sa mère, Satan, à savoir les deux devenant une seule chair. Si c'est autrement, il y a un problème. Satan a lancé une filet, la mère a attrapé. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Vous entendez? Voilà. Alors, cette autre femme-ci, elle vient le péché. On ne sait pas comment elle est en train de le péché, elle vient le péché, elle cherche comment à s'en sortir. C'est quand on cherche à s'en sortir que le Seigneur Jésus vient vers nous. C'est ça, n'est-ce pas? Il vient vers nous pour nous aider. Parce que quand tu es en prison, remarquez, dans Actes chapitre 12, l'apôtre Pierre avait été jeté en prison. On avait tué Jacques, on a pris Pierre, mettre en prison, on attendait que la fête des pères sans les mêmes passe pour qu'on puisse le tuer. Étant dans la prison, on a dit que c'était quatre gardes escouades. On a mis la prison, dans la prison, dans la prison, dans la prison. C'est au fond qu'on a mis. Et là, c'est même s'il casse avec une puissance, l'autre celui va encore arrêter. Quand il était là, la Bible déclare qu'il avait enlevé sa babouille et sa ceinture. Il s'est couché pour dire que ma part était terminée. Là, il faut quelque chose de l'extérieur pour venir le délivrer. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il est en captivité. C'est ça, ce que vous voyez physiquement avec Pierre, c'est comme ça que la majorité des gens sont. C'est-à-dire que tu es à l'intérieur comme ça, mais tu ne peux pas t'en sortir. En fait, tu vois qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution, tu ne peux pas. Il faut quelqu'un qui vient à l'extérieur, dans la délivrance. La vraie, c'est quelqu'un que tu dois sortir de l'extérieur pour t'en sortir. Et quand tu sors, tu peux croire que c'est le rêve, comme quand Pierre est sorti là, il croyait qu'il devait le rêver. Après, il voit que c'était réel. Amen. Il dit, je vois maintenant que le Seigneur a envoyé son ange pour me délivrer. C'est. Donc, Pierre à qui je vous avais dit, que paie mes brebis, le voilà qui était en prison. Il est resté tranquille, il n'avait rien à faire. Il n'avait pas prié. Seigneur Jésus a envoyé un ange pour le sortir. Là-bas, il est sorti de la prison. La Bible déclare que les portes sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Il a avancé, il est sorti. Les chaînes sont tombées. La chaîne physique. Amen. Seigneur Jésus a parlé de la chaîne spirituelle tout à l'heure, dans le livre de Luc chapitre 13, où on a vu cette femme-là qui était tenue dans la chaîne depuis 18 ans. Pierre, lui, il avait la chaîne sur les pieds, sur la main. Quand elle s'est levée, la chaîne est tombée, seule. Il a avancé. La porte s'est ouverte. Les gars étaient là. Mais d'accord, il a avancé, il marchait. Arrivé que l'ange est parti, sans lui dire au revoir, laisse-moi disponible. Il regarde. Parce que là, ça va être à partir du niveau si tu peux avancer. Il peut l'arrêter, le mettre n'importe où. Il m'a nommé conditionné. C'est vous qui allez voir ça sur la terre ici. Pour nous, c'est en haut. Amen. Alléluia. Jésus, notre Seigneur, est venu pour délivrer les captifs. Je suis allé point par point. Je peux m'arrêter là et puis on prie là maintenant. Vous savez ça? Vous savez cette présence qui se trouve en ces lieux maintenant là? Vous savez cette présence qui se trouve en ces lieux? On va prier, d'accord? On va prier. On va prier. Frère, on va prier. On va prier. Il a lancé quelque chose là, des fois. Il fait des bon là, que yé, vele, yé, malé. Bon, on avance ici, notre texte de base. Quatrième cas. Le quatrième cas, c'est « Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. » Nous sommes dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, notre texte de base, c'est là-bas. Donc, chaque fois, on va d'abord aller là-bas, on allait quelque part. « Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. » C'est le quatrième cas là-bas. Donc, prenons un ou deux cas là-bas. On va prendre deux cas. Hein. Marc chapitre 8. Rentrez dans, et puis on va prendre Jean chapitre 9. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Nous allons lire le verset 22 à 26. Puis Jean chapitre 9. Versets 22 à 26, mes chers amis. Matthieu, Marc, Luc, Marc, chapitre 8. Versets 22 à 26. Frère Achille, à haute voix. Marc, au chapitre 8, le verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et on l'amena vers. J'aimais le pas là-haut, on peut saisir. Non, ça, allons-y, il n'y a pas de problème, allons-y. Okay. Il se rendit à Bethsaïda et on l'amena vers. On l'amena. Oui, vers le Seigneur Jésus. Oui. Un aveugle qu'on le pria de toucher. Oui. Il prit l'aveugle par la main et le conduit hors de la, du village. Oui. Puis il le mit. Puis il le mit de la salive sur les yeux. Puis l'imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Oui. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Mmh. Le Seigneur Jésus lui dit de nouveau. Lui mit de nouveau les mains. Le Seigneur Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il le fut guéri et vit tout distinctement. Alors le Seigneur Jésus lui envoya dans sa maison en disant, non. N'entre pas au village. Voilà. Donc nous voyons effectivement quelqu'un qu'on a amené vers Jésus-Christ qui était malade, qui était guéri, il était aveugle. C'est Jésus-Christ lui ouvre les yeux, il met la main, il dit que tu vois. Il dit que je vois les gens qui marchent comme des arbres. Ça faisait comme ça, il dit que. Enfin, il a pu prier après, il dit tu vois. Il dit que je vois, je vois, je vois. Il est venu pour. Verset 4 dit quoi là? C'est chapitre 4 dit quoi? Que pour, on dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Prenons un deuxième cas dans Jean, chapitre 9. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Appelle Luc, mon nom. Appelle Luc. Jean, chapitre 9. Jean, le chapitre 9. Vous avez moi. Je vais la partie verset 1. Le Seigneur Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Donc quelqu'un que tu imaginez. On peut avoir tous les cas là. Imaginez les parents de cet enfant quand l'enfant est né et qu'il ne voyait pas. Imagine, tu sors ton enfant, tu faisais à l'hôpital, tu accouches comme ça, quand tu as fini de pousser l'enfant est sorti, on dirait que l'enfant c'est à deux têtes. Comment tu peux te sentir en tant que père? Comment tu peux te sentir en tant que mère? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Cet enfant s'est né, quand il est sorti du ventre, il ne voyait pas. On dit. Le Seigneur Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous avez vu ça, hein? Donc le Seigneur Jésus dit que celui-ci a été, il est fait comme ça pour qu'il le guérisse. Il va faire comme ça, il va guérir. Verset 6 là rapidement. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec la salive. Avec sa salive. Donc le Seigneur Jésus fait comme ça. Donc il a une façon d'agir que c'est incompréhensible. Tout le monde le regarde. Un homme que je peux faire comme ça. Il fit la boue avec sa salive. Il prend. On continue. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de la veuve. Il fait comme ça là. Pour l'autre, souvenez-vous, on a pris la marche après du 8. Il a seulement pris quelqu'un, il a mis la main. Il prie, il dit, tu vois. Donc, vous voyez qu'il n'a pas de façon conventionnelle de travailler. Donc, pour la même situation d'aveugle, il peut faire comme ça. Pour l'autre, il dit seulement que tu vois. En petit tournant comme ça, tu commences à voir. Donc, il fait lui-même, imaginez, il le sait jusqu'à faire ça. Il mélange la boue avec sa main. Il prend lui-même, il l'applique sur les yeux. Après, il dit, va te laver dans l'huile de sueur. Regarde, suivez ici. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloué, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retrouva voyant clair. Donc, avec la boue jusqu'à là. Quel est le rapport de la boue, des salives du Seigneur Jésus et du réservoir de Siloué? On précise que Siloué veut dire envoyé. Donc, le but de ce réservoir était là pour qu'il vienne l'envoyer là-bas. Mais c'est quand même terrible ça. Vous voyez, le Seigneur Jésus est en train d'agir, n'est-ce pas? Il est venu pour délivrer ceux qui étaient captifs, renvoyer libres les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles. Vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà deux cas qu'on a vu là-bas. Et ça, maintenant, ça va causer problème là-bas. Juste parce que même ses parents vont dire que c'est sort d'où. On n'a jamais entendu que le Père ait ouvert les yeux. À cause de ça, plusieurs personnes vont croire. Alors, c'est dans notre livre de Luc. Ça, c'est le quatrième, n'est-ce pas? Verset 5. Verset suivant, le cinquième point. Pour renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre les opprimés. Je peux citer des cas sans vous en donner d'exemple. Non, vous pouvez en trouver vous. Ma femme lit avec la version New International Bible là. C'est en anglais qu'elle lit là. Courage chérie. C'est bien ça. Donc quand il lit en français, elle a lit en anglais. C'est merveilleux ça, monsieur. Merci Seigneur. Donc, il est pour renvoyer libre les opprimés. Quelqu'un qui a l'air de premier, allez, tu es libre. Où est-ce là? Luc chapitre 4, verset 19. Comment? Donc, nous voyons effectivement que le Seigneur Jésus, ça c'est l'une de ses missions. On a cité là, nous sommes aux cinquième chose. Et chaque fois que nous voyons la chose, nous allons dans la Bible, nous voyons qu'il a fait cela. Alors, on se voit maintenant un ou deux cas de ces cas-ci. Luc, tout à l'heure, nous étions dans Jean, chapitre 9, rentrons dans Jean, chapitre 8. Jean chapitre 8. Par la suite, on va aller dans Matthieu chapitre 17. D'accord, mes chers amis? Vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 8, verset 1 et suivant. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Yeshua, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Vous êtes là? Et s'étant de nouveau baissé, ils écrivaient sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme. Vous êtes là? Qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui... t'accusait. Personne n'était-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas plus. » Quoi? « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Vous voyez? Il dit, on dit qu'il est venu, il est venu pour renvoyer libre les opprimés. On a pris la femme, on dit qu'on la met, on la pousse au milieu. Elle a pêché, on a tapé le mari, avec une femme, elle était accouchée avec quelqu'un. Moi, on a dit qu'on la pêche, chacun avait la pierre entre les mains, on attendait. Je dis que c'est tout comme ça. Et donc parmi vous là, ok. Elle a péché, il a péché dans une terre. Si vous n'avez pas péché, la personne qui sait qu'elle n'a pas encore péché, jette le premier caillou. Chacun a arrêté le caillou comme ça, il dit, mon frère. La conscience, tu as péché. Tu as volé, tu as menti, tu as Jésus. Chacun a balancé la pierre comme ça, disparaître un à un. Disparaître un à un. Pourquoi? Parce qu'il savait que il venait de comprendre que la personne qui punit pour adultère punit pour mensonge. La personne qui a puni pour l'adultère punit le vol. La personne qui punit l'adultère punit les malversations. Parce que la Bible déclare que Dieu t'y vengeance de toutes ces choses de fraude dans les affaires. Quand tu fais des affaires, tu fais des fraudes, Dieu t'y vengeance. Donc le même Dieu qui punit pour l'adultère va punir. Alors chacun a compris que là, c'est fort. Que si il lance là, ma part, c'est là grave. Ils ont pire. Ils ont quoi? Ils ont fui. Alors, le Seigneur Jésus a rendu la femme libre. Amen. Il est venu libérer les opprimés. Matthieu chapitre 17. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment alors que vous entendez ceci. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez-le dans la splendeur de sa gloire. Regardez-le et contemplez-le dans la puissance de sa résurrection. Et voyez-le à l'œuvre agir maintenant. Au milieu de nous. Voyez-le seulement agir. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu, je pense, 7. Vous savez, c'est l'histoire de cet enfant pour qui on prie là. Verset 17 et suivant. Quoi? Verset 14 à 18. On y va. Matthieu chapitre 17, verset 14. Regardez. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je vais amener à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Alléluia. Amen. Quelle voix autoritaire, mais pleine d'amour. Quelle voix autoritaire, mais pleine de compassion. Quelle voix autoritaire, mais pleine de miséricorde. Quelle voix autoritaire, mais pleine de persuasion et de démonstration de la puissance. Amen. Amen. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Il dit cinquième point, il est venu renvoyer libre les opprimés. Imaginez combien d'années cet enfant avait été opprimé. On dit qu'il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau, à cause de l'esprit qui est en lui. Donc vous voyez quelqu'un qui dit, bam, l'eau, ça commence à brûler la main, là, il ne peut pas enlever. Vous voyez les gens qui ont les parties du corps brûlées, les parties des mains brûlées, cet esprit-ci, lunatique. C'est un démon qui a le fait. Je vous ai parlé sérieusement. Sors de lui. Il est sorti. Le Seigneur Jésus est vivant, pas vrai? Il est même aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Il a rendu donc libre. Disons jusqu'au verset 18 là. Oui, on a lu jusqu'au verset 18, n'est-ce pas? Donc Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Donc nous voyons effectivement que le contenu de la mission du Seigneur Jésus-Christ a été accompli. Parfaitement. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir là. Parce que quand il a pris le livre, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a dit, on a vu comment il a dit ça. On a vu comment il a fait. Donc ça s'est accompli. C'est pour ça qu'il a dit aux pharisiens que vous sondez les Écritures, croyant avoir en elle la vie, c'est elle qui rend témoignage de moi. Donc, si il regarde dans l'Écriture pour que la personne dont l'Esprit du Seigneur devait être celui qui va annoncer telle chose, il faut que seulement s'il allait l'annoncer, c'est là. S'il est censé libérer telle personne, s'il avait libéré cette personne, vous voyez cela? Il délivrait des gens. Même à sa mort, même il a délivré. Même à sa mort, il vient à la croix. Quelqu'un à la croix, il le délivre. Même la condamnation, le jour de sa condamnation, il vient comme ça. Il devient quelqu'un qui est condamné, il le fait, on le libère, il prend sa place, Barabbas. Vous voyez, c'est ça? C'est Barabbas là, vous savez, quand on a dit, je vous libère Barabbas ou bien libère Jésus. On a dit, on ne veut pas de Jésus. Barabbas, libérez-le. On a libéré jusqu'à pris sa place. Il est venu le faire libérer. Il est venu réconcilier. La Bible déclare que Hérode et Ponce Pilate ne parlaient pas. Quand j'étais entré au milieu, on a parlé de Jésus par ici, là, et Pilate, à la suite. On dit depuis ce jour-là, Hérode et Ponce Pilate sont devenus des amis. Réconcilier même les ennemis. Alléluia. Car Jésus nous a asservi. Amen. Notre point maintenant, nous sommes au là maintenant. Nous avons vu renvoyer libre les opprimés, n'est-ce pas? Verset, le suivant c'est pour publier une année des grâces du Seigneur. Pour publier une année des grâces du Seigneur. Matthieu chapitre 11, verset 28. Prenons cela, puisque nous sommes dans Matthieu tout à l'heure. Hein? Matthieu chapitre 11, verset 28. Publier une année des grâces du Seigneur. Préparez Jean chapitre 12. Parce que Jean chapitre 12. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a publié l'année des grâces? On va en prendre là beaucoup là maintenant pour ces cas. C'est parce qu'on a fini là. Nous n'avons pas couru les 6 cas. Nous sommes au 6e cas. Par la suite, on va se lever maintenant. Pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Pas vrai? Alléluia. Amen. Ah. Vous ne voulez pas le voir agir? Nous sommes là. Vous savez qu'il est là. Hein? Amen. Vous croyez, vous pensez. Ok. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 11, verset 28 et action. Lisons ce qui est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est merveilleux comme parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais encore lire ce qui est écrit dans le livre de Luc là. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Publier une année de grâce. La grâce est disponible tous ces moments. C'est la grâce. C'est quelque chose que Dieu ne mérite pas. On dit, ok, vous êtes fatigué. Venez. Venez. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués. Donc, si tu sais que tu es fatigué, viens à lui. Si tu sais qu'il y a une situation qui te dépasse, viens à lui. Si c'est quelque chose est stocké, que tu veux pas que quelqu'un sache à chaque fois, viens à lui. Il n'a pas dit venez au pasteur, il n'a pas dit venez à l'église, venez à moi. Vous dites qu'il est fatigué. Chacun connaît la situation qui le fait fatigue. Il faut venir avec ça devant le Seigneur. Amen. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, pas pour vos chairs. Vous savez, c'est quand même merveilleux que l'âme puisse trouver du repos. Le convoitise que nous avons, la guerre qui nous fait, les convoitises qui nous fait la guerre à notre âme, nous sommes insatiables par ci, attirés par ci, amoncelés par chaque convoitise. Le Seigneur qui dit que son joug est léger, ça va donner donc le repos à nos âmes. Vous y êtes? Verset, on y va. Après, il dit verset, car mon joug est doux et mon fardeau est quoi? Léger. Un appel à terre lancé. Il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. La grâce, c'est quoi? La porte est ouverte. Entrez. Venez. Venez. Venez. Vous allez être avec moi. Jean chapitre 12. Jean le chapitre 12. Johannes, Jean chapitre 12, disons le verset, qu'est-ce que le verset 36 nous dit? Regardez ce que le Seigneur Jésus va dire, écoutez très attentivement. Nous sommes en train de voir publier une année de grâce du Seigneur. Verset 36 dit, pendant que vous avez la lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Croyez en la lumière. Pourquoi quoi? Afin que vous soyez des enfants de lumière. Alors, c'est le chapitre 8 maintenant. Ouais, l'année de grâce, non? Donc, la lumière est là pour un moment. Croyez. Quand vous croyez, vous êtes dans la lumière. Dans le chapitre 8, verset 12, va dire quelque chose de cette similaire. Regardez attentivement. Verset 12, qu'est-ce que ça dit pour la chérie? Le Seigneur Jésus parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous avez toute la soirée que le Seigneur Jésus a délumée. Maintenant, chapitre 5. Chapitre 5. Verset 24, qu'est-ce que ça dit? Jean, chapitre 5. Verset 24. Verset 24. Frère Achille. Jean, au chapitre 5. Verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Oui. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez en quoi consiste cette période de la grâce là? Donc, vous pouvez la grâce, vous quittez de la mort à la vie directement. De la mort à la vie. On avance. Amen. Marc chapitre 1. Ou bien, on est sur la somme d'abord dans Jean. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Vous pouvez soutenir son avant. Jean chapitre 3. Vous y êtes. Verset 14 à 21, je vais lire. Sur le nous sommes dans le dernier point. Il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Il vous a dit une année, ça ne veut pas dire que 365 jours. Une année, ça veut dire la période. Une période où la grâce est disponible. D'accord? Écoutez très attentivement. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Durant sa période, on va se dire qu'il est. Écoutez, tranquillement. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Vous avez vu ça? Quand tu crois au Seigneur, c'est terminé là. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, vous voyez, la lumière étant venue dans le monde, vous avez vu, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous avez vu ça? Donc, pendant cette période, le Seigneur Jésus est quoi? Est la lumière. La lumière est donnée, la grâce est disponible. Vous avez vu ça, n'est-ce pas, mes chers amis? Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre? Que le temps est disponible. Le temps dans lequel nous nous trouvons, il y a quelque chose seulement qu'on fait, il faut qu'on croie au Seigneur Jésus-Christ. Et en ce moment-là, nous avons la vie éternelle. En résumé, Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa mission première, a 6 choses à faire. Publier une bonne nouvelle, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est ça, n'est-ce pas? Deuxième chose, faire quoi? Deuxième chose, guérissez le cœur brisé. Troisième chose, proclamer au captif la guérison. Quatrième chose, aux aveugles le recouvrement de la vue. Cinquième chose, pour envoyer libre les opprimés. Et après, sixième chose, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous croyez que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, pour toujours? Amen. Fermez les livres. Maintenant, ça peut commencer. Déposez les livres loin de vous avec les stylos. On va prier. Nous avons vu le cas des chaînes ici. Le cas des chaînes. Le chaîne de la captivité. Une femme qui avait été dans la chaîne de Satan pendant 18 ans et dont Satan tenait captif. Nous avons vu cela. Le Seigneur qui est venu proclamer sa liberté. Amen. Nous avons vu des exemples ici des gens qui marchaient et qui étaient dans les voies de dérèglement. Nous avons vu le cas des Zachée. Nous avons vu le cas de cette pécheresse-là. Et le Seigneur qui est venu proclamer leur liberté. Amen. Nous connaissons et la Bible déclare donc qu'il est venu libérer ceux qui ont l'envers libre les opprimés, libérer ceux qui ont le cœur brisé. Nous connaissons chacun de nous notre cœur, notre conscience. Nous savons chacun de nous ce qui nous arrive. Amen. Mettons-nous en place maintenant et prions. Que tout ce que nous avons lu maintenant, si c'est toujours quelque chose dont l'ennemi utilisait pour tenir contre nous, que le Seigneur lui-même qui est présent de nous maintenant nous en délivre. Au nom de Jésus, prions. Prions. Prions. Priez. Priez. Priez. Parlez-lui. Parlez. N'importe quelle situation qui se trouve maintenant en milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaissez, nous connaissons tous ces choses. Ces choses qui nous tiennent. Je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit que ces deux-ci devraient être libres maintenant. Tu connais les choses qui les tiennent en captivité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ces chaînes-là soient brisées de ta vie et de ta vie aussi au nom de Jésus. Que ces chaînes soient brisées dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours et tu es le même en ce lieu. Merci pour ta puissance qui est disponible pour nous ici. Merci Père pour ta puissance qui est disponible pour nous. Merci pour ta puissance Père qui est disponible pour nous. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Toi puissance des ténèbres qui nous précède. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur a demandé qu'elle soit libérée maintenant. Je te commande de la libérer maintenant. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors. Je te commande. Sors. Sors. Toi, puissant des ténèbres, je t'ordonne au nom de Jésus. Toi, puissant des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez sentir sa puissance maintenant. Oui, il a promis. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, avec cette aiguille dans ta poitrine, dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ, que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que ça sorte maintenant. Toi, aiguille injectée dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des cieux demande qu'il soit libre maintenant. Toi, puissant des ténèbres. toi puissant des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu nous exauces. Merci parce que tu nous exauces toujours. Merci parce que tu nous exauces toujours. Merci Seigneur parce que ton nom est puissant. Merci parce que tu es venu pour libérer les captifs. Merci parce que tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Merci parce que ta puissance est déversée maintenant. Merci Père parce que tous ceux qui sont dans la captivité, Seigneur, merci parce que tu es son libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui n'est pas de Dieu dans ta vie, ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors, sors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est venu pour libérer les captifs, il est venu pour libérer les captifs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus, merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande. Toi, puissance ténébreuse. Toi, puissance ténébreuse. Sors, lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors-la maintenant. Sors-la maintenant. Merci Père parce que tu visites tes enfants. Merci Père parce que tu agis puissamment. Merci Père de gloire parce que tu es venu pour libérer ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libre les opprimés. Merci Père parce que tu agis dans nos cœurs, dans nos vies, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci Père, merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta puissance. Merci Père pour ta puissance. Quel que soit le mal que tu as expérimenté maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ça cesse maintenant, que ça cesse maintenant, que ça s'arrête maintenant, au nom de Jésus. Silence à tous les maux. Silence maintenant. Silence maintenant. Silence maintenant. C'est la voix du Seigneur seul qui parlera. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez dit que vous croyez qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et le voilà au milieu de nous maintenant. Ils sont à toi maintenant. Toute douleur, tout mal déclaré contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça cesse maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi là, avec ton bal, avec ta tronche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit à cette femme, enchaînée pendant 18 ans, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jeune fille, tu es délivrée. Tu es délivrée. Oui, tu es délivrée. Tu es délivrée. Tu es délivrée. Tu es délivrée de ton infirmité. Oui, toi qui m'écoutes maintenant, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Toi qui m'écoutes maintenant, tu es délivré de ton infirmité. Tout poison que tu as ingurgé dans les ténèbres, tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Au nom de Jésus, tout poison nocturne, toute nourriture nocturne que tu as mangé et qui a donné poison nocturne, au nom de Jésus, tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de ces mal. Tu es délivré de ces mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es délivré de ces mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Père pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, son nom est puissant. Son nom est glorieux. Son nom est glorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tout cette puissance, les couches de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la guérison et la restauration de cette sœur. Merci pour sa guérison et sa restauration. Merci pour la guérison de ses mal. Oui, merci Père pour sa guérison. Merci pour sa délivrance. Merci pour la restauration de ce jeune garçon. Merci Père pour celui-ci également. Merci, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance n'appartient pas au Seigneur. Toute puissance, toute alliance avec les ténèbres. Au nom de Jésus, que ça soit brisé maintenant. Que ça soit brisé maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toute alliance, oui, elle ne t'appartient plus. Elle appartient au Seigneur Jésus. Elle appartient au Seigneur Jésus. Elle appartient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle appartient et elle le servira. Lui seul, oui. Sors. Au nom de Jésus-Christ, sors. Au nom de Jésus-Christ, sors. Au nom de Jésus-Christ, sors. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance, toute nourriture nocturne et tout dépôt des couches de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant au nom de Jésus. Son corps appartient au Seigneur Jésus. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom se soit glorifié. Que ton nom se soit glorifié. Au nom tout-puissant, merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre, madame. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus, tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, libre maintenant pour le servir en esprit et en vérité. Tu es libre. Tu es libre. Libre. Tu es libre. Merci Père pour tout ce que tu fais. Et je prie dans le nom précieux du Seigneur Jésus que tu remplisses chacun de nous ici. Chaque cœur ici de ton esprit. Je prie au Père que ces cœurs, ô Dieu de gloire, qui sont venus vers toi. Tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je prie au Père pour tous ceux-là qui nous écoutent, ô Dieu, que tu remplisses quelqu'un maintenant de ton esprit, alors que tu l'as délivré. Je prie au Père que tu remplisses quelqu'un de ton esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.